sais-tu pourquoi? Tout est si indifférent. L'on est enfermé dans nos rêves trop beaux. La vie c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Et chacun pour moi. Pourquoi se comprendre? S'aimer. Lorsqu'on n'a que sa vie. La solitude me prend par la main. Comme une caresse qui brise mes reins. Cruel comme ces mots sur des lettres enflammées. Et ces promesses volées. La solitude suit notre destin. Des jours de pluie et des soirs de silence. Immobile et glacé comme ses attitudes. Comme ceux qui s'en vont poursuivre leur ambition. D'un gouffre sans fond. La solitude, compagne de toujours. Lors des anniversaires que l'on fête tous seuls. Des sapins de Noël qui brille chez les autres. Ces soirées solitaires où plus rien nous importe. Jusqu'au dernier soupir, seul face à la douleur. La solitude est là. Maudit.